Est-ce que là, ça existait ici, cette coutume de d'offrir en cadeau une espèce de gâteau, enfin en pâte, représentant une poupée pour les filles et un coq pour les garçons? Ah ben oui, c'est marqué sur la recette de la Ah, je ne fais crescente, pas ça. très Oui, attention. Ah oui, ça c'est existe. Oui, marqué. d'accord, c'est Oui. ce Toutes que les fois qu'on faisait la crescente, il y avait toujours, on faisait avec la pâte, on faisait une poupée pour les filles, un coq pour les Mais garçons. toutes les fois qu'on faisait la crèche. Oui, presque toutes les fois Ah quand oui, il y pas avait des uniquement à enfants. Noël. Non, non, presque toutes les fois. Ah oui, c'était pas parce que Non, bon, non. à la Si vous veille, par regardez exemple. la crescente, la recette de la crescente, vous Mais j'ai pas avez, fait c'est attention. marqué. Au... J'ai dû la lire, mais Vous cru que ne c'était l'avez une pas là, recette. non? Si, je dois la voir. Elle n'est pas bien imprimée, surtout. Ah, ben je l'ai peut-être ici, Oui, tant que vous c'est pas la l'avez là. peine de le chercher Oui. là-bas. Ah non, je vous l'ai donné parce que. Ah oui, alors donc elle est. Non, Oui, je ne l'ai oui. pas là. Elle est chez moi. Ah Enfin. non, c'est marqué, Ah oui, mais comme c'était toute la recette, je n'ai pas lu en détail encore. alors, les enfants avaient les pigeons, comment on appelle les colombis, et les filles avaient les poupées petites. Ah ben. Mais il n'y avait pas, parce qu'à Tende, je crois, et à la Brique aussi, c'était la marraine à Noël qui faisait cadeau d'une poupée en pâte aux filles et d'un coq en pâte aux garçons. Je ne sais pas, non, Non, nous, on vous nous n'avez pas faisait encore pour eu lieu. avant, quoi. Et l'an dernier, j'entendais une collègue qui disait que sa grand-mère leur faisait ça quand ils venaient, quoi. Et alors, ils le gardaient longtemps, ils en mangeaient un petit bout chaque jour, ils le laissaient durcir, et même pour le faire durer plus Ah longtemps, oui, quoi. ça c'est sûr. Toujours comme ça. Bon, je vais peut-être vous laisser tranquille, parce que quand même, c'est un peu ennuyeux de répondre à toutes ces questions. Bien, là, je vais vous laisser. Voilà.